On s'étonnera peut-être de voir Barbicane et ses compagnons si peu soucieux de l'avenir que leur réservait cette prison de métal emportée dans les infinis de l'éther. La vérité est qu'ils n'étaient pas maîtres de leur projectile, qu'ils ne pouvaient ni enrayer sa marche, ni modifier sa direction. Et tout point de repère manquait pour estimer et la direction et la vitesse du projectile. Soudain, au milieu de l'éther, dans ces ténèbres profondes, une masse énorme avait apparu. C'était comme une lune, mais une lune incandescente, et d'un éclat d'autant plus insoutenable qu'il tranchait nettement sur l'obscurité brutale de l'espace. Cette masse, de forme circulaire, jetait une lumière telle qu'elle emplissait le projectile. « Mille diables !» s'écria Michel Ardan. « Qu'est-ce que cette lune malencontreuse ?»« Un bolide !» répondit Barbicane. « Un bolide enflammé dans le vide ?»« Oui. » Ce globe de feu était un bolide, en effet. Barbicane ne se trompait pas. Mais si ces météores cosmiques, observés de la Terre, ne présentent généralement qu'une lumière un peu inférieure à celle de la Lune, ici, dans ce sombre éther, ils resplendissaient. Leur projectile, dont ils ne pouvaient dévier la marche, courait droit sur cette masse ignée, plus intense que la gueule ouverte d'un four à réverbère. Il semblait se précipiter vers un abîme de feu. Barbicane avait saisi la main de ses deux compagnons et tout en regardait à travers leurs paupières à demi fermées cet astéroïde chauffé à blanc. Deux minutes après la brusque apparition du bolide, deux siècles d'angoisse, le projectile semblait prêt à le heurter quand le globe de feu éclata comme une bombe, mais sans faire aucun bruit, au milieu de ce vide où le son, qui n'est qu'une agitation des couches d'air, ne pouvait se produire. Nicole avait poussé un cri. Ses compagnons et lui s'étaient précipités à la vitre et hublot. Quel spectacle! Quelle plume saurait rendre! Quelle palette serait assez riche en couleurs pour en reproduire la magnificence! Du globe énorme et redoutable, il ne restait plus rien que ces morceaux emportés dans toutes les directions, devenus astéroïdes à leur tour. Ceux-ci, flamboyant comme une épée, ceux-là, entourés d'un nuage blanchâtre, d'autres, laissant après eux des traînées éclatantes de poussière cosmique. La lumière, qui saturait les terres, se développait avec une incomparable intensité, car ces astéroïdes la dispersaient en tous sens. À un certain moment, elle fut tellement vive que Michel, entraînant vers sa vitre Barbicane et Nicole, s'écria « L'invisible lune ! Visible enfin !» Et tous trois, à travers un effluve lumineux de quelques secondes, entrevirent ce disque mystérieux que l'œil de l'homme apercevait pour la première fois. Était-ce une illusion ? Une erreur des yeux? Une tromperie de l'optique? Pouvait-il donner une affirmation scientifique à cette observation si superficiellement obtenue? Cependant, les fulgurations de l'espace s'affaiblirent peu à peu, son éclat accidentel s'amoindrit, les astéroïdes s'enfuirent par des trajectoires diverses et s'éteignirent dans l'éloignement. L'éther reprit enfin son habituelle ténébrosité. Les étoiles, un moment éclipsées, étincelèrent au firmament. Ils disent, à peine entrevu, se perdit de nouveau dans l'impénétrable nuit.